grâce au président Jacques Chirac, le 1er octobre prochain, les halogènes insecticides seront privatisés. À cette occasion, chacun des Français pourra, s'il le désire, acquérir des actions des halogènes insecticides. Les halogènes insecticides, ce sont des hommes, des jeunes, des chanteurs. Ce sont un grand bousier et un sens du bricolage 100% français. Alors, le 1er octobre prochain, réfléchissez.